Bon, monsieur, dame, on va vous dire bonsoir. Allez, la mienne, c'est la qu'on arrête, on arrête. Se tocca Marita! Marita! Essa! Bernard, vamos. Paco, vamos allá.